De la côte américaine à Tristan d'Acunha, on compte 3500 km, distance que John Mangles espérait franchir en 10 jours si les vents d'Est ne retardaient pas la marche du yacht. L'océan était paisible, le vent soufflait du bon côté, et tout le jeu de voile, tendu sous les brises de l'ouest, vint en aide à l'infatigable vapeur emmagasinée dans la chaudière. Les choses allaient donc parfaitement à bord. Le 16 novembre, de belles brises d'ouest se firent sentir. Le Duncan se couvrit de toile. Le lendemain, la voix du matelot de vigie se fit entendre. « Terre ! » cria-t-il. « C'est Tristan d'Acunha, » dit John Mangles. Quelques heures plus tard, le piton conique de Tristan se détachait en noir sur le fond resplendissant du ciel, tout bariolé des rayons du soleil levant. À 3 heures, le Duncan donnait dans la baie Falmouth de Tristan d'Acunha. John Mangles s'occupa de chercher un bon mouillage. Peu après, passagères et passagers s'embarquèrent de leurs grands canots et prirent pied sur un sable fin et noir, impalpable débris des roches calcinées de l'île. Lord Glenarvan s'enquit immédiatement d'Harry Grant et du Britannia. Mais il n'interrogeait le gouverneur de l'île que par acquis de conscience. Pendant cette reconnaissance, les passagers du Duncan se promenèrent dans le village et sur les côtes voisines. Cette promenade de touristes, heureux de sentir la terre ferme sur leurs pieds, se prolongea sur le rivage. Ce fut ainsi que les promeneurs revinrent au yacht à la nuit tombante. Aucune trace de Britannia ne s'était rencontrée sur leur parcours. Le Duncan pouvait dès lors continuer sa route à l'est. Glenarvan autorisa son équipage à faire la chasse aux phoques, innombrables, qui encombrent les rivages de la baie de Falmouth. Pendant la nuit, une cinquantaine de gros phoques passèrent de vie à trépas. La journée suivante fut donc employée à recueillir l'huile et à préparer les peaux de ces lucratifs amphibies. Dans la nuit, le Duncan quittait l'île Tristan d'Acunha, qu'il ne devait plus revoir.